À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le présidium du comité central de la Chungnyon, Association générale des Coréens résidant au Japon, a fait parvenir le 9 septembre un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le destinataire indique, entre autres, « Le parcours victorieux de notre République constitue l'histoire à travers laquelle les généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il, soleil éternel Juche, ont inauguré l'époque de la prospérité sans précédent dans l'histoire nationale par leurs activités éminentes de penseurs et théoriciens, leurs pratiques révolutionnaires grandioses et leur dévouement pour la nation et le peuple. C'est aussi l'histoire glorieuse où le maréchal Kim Jong-un, continuateur des exploits impérissables des leaders, a porté à la cime des honneurs la dignité et la position de notre patrie par son audace et son intrépidité bec-tout et son leadership peu commun. Fermement convaincu que sous la direction du maréchal Kim Jong-un, l'édification d'une puissance socialiste, les affrontements anti-américains, la réunification nationale et la cause patriotique de la Chungnyon triompheront à coup sûr, nous nous raffermissons dans notre détermination de renforcer à une étape plus élevée le mouvement des Coréens au Japon en accord avec l'impératif de l'ère nouvelle Juche. Pour terminer, il souhaite santé au maréchal Kim Jong-un au nom de la fidélité et de la vénération de tous les permanents de la Chungnyon et de tous les Coréens au Japon.